pendant que les autres madhab stagnent et s'enfoncent dans le taqlid et le ta'assub, les savants hanbalites, certains savants hanbalites, parce qu'il existe quand même ta'assub hanbali, il existe l'imitation inconditionnelle au madhab hanbalite. Les savants hanbalites, certains d'entre eux ont vraiment évolué, sans parler de l'apport énorme au fiqh et au hadith et de la réforme apportée par Cheikh Rahmallah Nasruddin Albani et d'autres, Ahmed Shaker aussi. Les autres madhab, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé un vide, un grand vide. Et ce vide a été comblé par les ulama de la péninsule arabique. Maintenant, les ouvrages des autres madhab sont travaillés, corrigés, révisés par les savants du Hijaz. Que ce soit les livres d'Ossoul ou dans, par exemple, l'Waraqat d'Al-Jouani, qui est un Shafi'it. Quand tu cherches son explication, il est expliqué par les Hanbalites, par le Fawzan, par le Muqaddima, même Muqaddima d'Ibn Abi Zayd al-Qirawani. Il est expliqué par Abd al-Muhsin al-Abbad, de même que le Muwafaqat, qui est un livre qui est notre fierté, le Muwafaqat et l'Irtisam de l'imam Shatibi, l'Andalusi. Qui sont vraiment la fierté du madhab malikite. Notre fierté à nous, je dis pas ça par ta'assoub, mais c'est vraiment le mujaddid dans le domaine des usul. Mais quand je cherche son explication, c'est les chouyoukh de l'Arabie Saoudite qui s'y intéressent. Il y a au Maroc certains travaux, mais ils sont pas vraiment à la hauteur. Comme le cheikh Youssef Lorfais, hafidhahullah, il a fait l'explication de ces de muqaddimat au moins de muwafaqat et de l'i'tisam. Le dogme tahawi, c'est hanafite, et pourtant on trouve ce sont les savants de l'Arabie Saoudite qui l'expliquent, qui s'y intéressent. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont fait ce grand travail et nous expliquent ces livres. Mais inshallah, j'en espère que les autres madhahib dont Hanafit, Hanbalit, Hanafit, Shafi'it, Malikit, ils se réveillent, ils retravaillent leurs livres et font évoluer le fiqh, et qu'il y ait cette rivalité, ce tanafus qui existait auparavant entre Cordoue, Cordoba et Bagdad et l'école de Médine. Il y avait une, et aussi celle de la Syrie, de Cham, de Dimashq. Il y avait une rivalité qui a enrichi le patrimoine fiqhi, le patrimoine jurisprudentiel. Donc oui, au tamadoub, il n'y a pas de problème, mais non au ta'assoub, non à l'imitation servile, non à l'attachement inconditionnel au madhab. Bon, je m'arrête ici. Inch'Allah, la séance prochaine, nous allons parler de la question des tolérances, des licences, le fait de suivre les licences des savants, tiba' al-rukhas. Je vais les détailler. Ce sera inch'Allah, bi'idnillah, la dernière séance. Subhanakallah wa bihamdik. La prochaine fois, c'est la dernière séance, inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu la ilaha illa ant. استغفرك وأتوب إليك